Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Nous voici comme si nous étions à l'automne 1960, bien au chaud, à la maison, les mardis, jeudis et samedis soirs. Jour et heure de diffusion sur France 2 régionale du feuilleton pour les enfants de 7 à 77 ans, l'éventail est large, Tintin au Tibet. Bien au chaud chez nous, oui. Alors que Tintin, Milou, Haddock et le guide Tarquet partent en vain, qui sait, à la recherche de Chang. En vain, vraiment ? Tous les auditeurs, déjà lecteurs, sans doute de Tintin au Tibet dans le journal de Tintin ou en album chez Casterman, savent comment se termine l'aventure. Mais cela dit, cela n'empêche pas un auditeur qui se confie au courrier, à la RTF, de grogner. Dommage que vous ne laissiez toujours au moment le plus palpitant. Mais c'est que c'est voulu, cher jeune auditeur, répondent Nicole Strauss et Jacques Langeais. Voici les épisodes 10, 11, 12 et 13, proposés pour la première fois sur France 2 régionale, du 18 au 25 octobre 1960. Un document, INA. La radiodiffusion télévision française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation, René Villemet. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, 10e épisode. L'expédition organisée par nos amis pour retrouver Chang progresse lentement vers les hauts plateaux du Tibet. Là-haut, en effet, gisent les débris de l'avion dans lequel se trouvait le jeune ami de Tintin. Pour la première fois ce soir, les voyageurs plantent leur tente dans la neige. Puis le premier coulis, qui fait aussi office de cuisinier, prépare le dîner. Tout à coup, un hurlement sauvage retentit, frappant de terreur les porteurs et le Sherpa. Tintin n'est pas très rassuré non plus et se remémore tout ce qu'on a raconté à propos de l'abominable homme des neiges. Écoutez, Yeti, c'est terrifiant. L'abominable homme des neiges, laissez-moi rire. Des légendes, tout ça, des racontins. Mais enfin, capitaine, ce hurlement. Mais personne ne l'a jamais vu, ce fameux Yeti. Toi, pas rire, Sahib. Comment ? Yeti existait. Vous l'avez vu, Tarquet ? Non, Sahib. Mais moi, connaître Sherpa Ansiring. Lui vu Yeti, lui avoir très peur, lui se sauver. Oui, mais comment était-il ce Yeti? Lui, très grand, Sahib, très fort. Lui assommé Yak avec son poing. Oula, c'est... Lui très méchant, mangé yeux et mains, homme tué par lui. Nous très peur, Sahib. Ah ben, moi je suis comme Saint Thomas, tant que je ne le verrai pas. Vous avez entendu ça? Yeti encore, Sahib. Oh, taratata, c'est le vent dans la montagne. Ah, mais cette bouteille de whisky, ça n'est pas du vent. Attention, c'est la seule qui vous reste. Hélas, ça crève bouchon. Oh, Sahib, toi, pas boire. Comment pas boire? Ça vous dérange? Non, mais voulez-vous lâcher cette bouteille? Tenez, mais... Sahib, toi, écoutez. Mais je ne fais que ça. Si Yeti sentit odeur d'alcool, lui venir. Ah oui? Lui aimait alcool. Beaucoup. Vraiment? Une fois, lui trouvait Chang. Et lui, le boire. Chang? Chang? Mais boire Chang, mais qu'est-ce que vous chantez là? Vérité, Sahib. Écoute, Kouli, lui pas mentir. Chang, sa bière très forte. Ah. Bonne. Et Yeti boit Chang. Lui, complètement saoul, et après, dormi. Homme du village l'attachait avec corde. Grosse, grosse. Dites donc, Tintin, j'ai l'impression qu'il nous fait marcher le gaillard. Mais rien à faire, j'ai couvert assez de kilomètres aujourd'hui. Et alors, quand Yeti attaché? Lui se réveiller, colère, terrible, qui... Et puis casser ses cordes et pâtit dans la montagne. Eh ben bon voyage, moi je vais me coucher et dormir. Bonne nuit, capitaine, je vais pas tarder non plus. Route longue demain. Et si vous voyez le Yeti, faites-lui mes amitiés. Vous avez tort de plaisanter, capitaine. Sahib à barbe pas croire, mais Yeti existe. Oui, Tarquet. Oh! Oui, oui. Eh ben, qu'est-ce qui se passe-t-il? Au secours! Oh! J'arrive! Oh! Oh! Oh! Bien, capitaine. Oh, ma barbe. Quoi, votre barbe? Vous ne voyez pas, non? Elle est prise dans la fermeture éclair de mon sac de couchage. Il faut tout vous expliquer, à vous. Oh non. Mais... Oh non, pas comme ça. Ça fait trop mal. Attendez, ne bougez pas. Non. En tirant d'un coup sec, peut-être. Oh, hein. Oh. Alors, attention. Un, deux, trois. Eh ben voilà, vous êtes délivré, j'ai pas pu faire mieux. Oh, mais vous m'avez arraché une touffe de poils en tirant comme un sauvage. Je suis désolé, capitaine. Je vais vous laisser dormir maintenant. Demain, nous partons à l'aube. Oh, bonne nuit et merci quand même. Pas de quoi. Malgré ce nouvel incident, Haddock s'endort très vite et bientôt le petit camp est silencieux. Depuis les hurlements entendus pendant le dîner, le Yeti ne s'est pas manifesté et la nuit passe sans que rien ne vienne confirmer son existence. Le lendemain, à l'aube, on plie rapidement bagage. Mais au moment de partir, Haddock constate la disparition de sa dernière bouteille de whisky. Consternation. Enquête auprès des autres membres de l'expédition, personne n'a vu l'objet. Haddock, une fois de plus, se met en colère, menace, peine perdue, la bouteille a vraiment disparu. Cette disparition ne serait pas grave si elle n'était ainsi expliquée par les coulisses. Nous pas vouloir être tué par Yeti. Ah, voilà que ça vous reprend. Lui, boire alcool du Sahib. Quoi, mon whisky? Oui, Sahib, lui, très méchant maintenant. Alcool le rend fou. Eh bien, voilà qui n'arrange pas nos affaires. Je vais en parler à Tarké. C'est ça, bonne chance. Alors, vous êtes sûr que c'est le Yeti qui m'a fauché mon whisky? Heureusement, Tarké parvient à convaincre les porteurs. Et la petite colonne se remet en route. Cette fois, c'est la neige. Nos amis ont revêtu anorak, moufle, passe-montagne, et chacun a son piolet. En file indienne, ils viennent d'attaquer une forte pente. Tiens, Milou, elle sentit un lièvre. Mais qu'est-ce que tu as, toi? Tu es fou de grogner comme ça? Allons, tais-toi. Tiens, Tarké s'arrête à côté de Milou. Sahib! Qu'est-ce qu'il y a, Tarké? Vous venir vite! Oui. Voilà. Oh, cette sacrée neige. On enfonce jusqu'aux chevilles. Regarde, Sahib. Oh. Ces empreintes énormes. Yeti. Les traces de l'abominable homme des neiges. Quoi? Encore l'homme des neiges? Lui marchait ici cette nuit, Sahib. Qu'est-ce que vous racontez? Ce sont des traces d'ours. Je n'en suis pas aussi sûr que vous, capitaine. Ah non? Ah ben, il n'y a qu'une chose à faire, tonnerre de Brest. Il faut suivre cette piste. Nous allons bien voir. J'y vais. Et tout seul, compris? Non, ça y est, pas ça, pas prudent. Pas prudent, laissez-moi rire. Je veux en avoir le cœur net. Et puis vous commencez à me casser les pieds avec votre Yeti. Je veux voir la couleur de ses yeux. Tu entends, toi, le Yeti du Tibet? Prends garde à toi! Le capitaine Haddock arrive! Suivons-le à distance, Tarké. Bien, Sahib. Mais lui, danger, beaucoup. Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Ealing le capitaine Haddock, Edmond Tamise Tarquet, Jean Péméja le coulis, Pierre-Olivier le porteur et Milou. Prise de son Jean Jusfort, bruitage et effet sonore Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistant Georges Arnal, réalisation René Villemet. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation René Villemet. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, 11e épisode. L'expédition vient d'atteindre les premières neiges éternelles. Jusqu'à maintenant, tout s'est à peu près bien passé. Pourtant, depuis 24 heures, un certain malaise pèse sur nos alpinistes. On a entendu dans la montagne un hurlement qui, selon les porteurs et le guide Tarquet, ne peut être que celui de l'abominable homme des neiges. Haddock, lui, ne veut pas y croire. Au réveil, par contre, ce qu'il est bien obligé d'admettre, c'est la disparition de sa dernière bouteille de whisky. Disparition qui, vous vous en doutez, le met dans une rage folle. Enfin, la petite colonne reprend l'ascension. Un moment plus tard, Milou grogne de façon inquiétante et Tarquet, qui le suit, découvre des traces dans la neige. Des empreintes de pas gigantesques. Ce sont celles du Yéti. Le capitaine entreprend alors la poursuite de l'abominable homme des neiges. Je me demande où ces traces vont me conduire. Oh, ça grimpe toujours. Tonnerre, ma bouteille de whisky. Mais, mille millions de mille sabords, elle est vide. Vide. Oh, oh, ils avaient raison, c'est lui. Oh, ça va barder. Mon whisky, espèce de cro-magnon, vampire, sous le graphe. Tu entends, macrocéphale, amphitryon, phylloxéra, cannibale. Oh, attends un peu que je t'en trouve, diplodocus, mégalomane, rends-moi mon whisky. Capitaine, capitaine. Ne dois pas crier, Sahib, avalanche. Anthropopithèque, tu vas passer un mauvais... Oh! Vite, Sahib. J'arrive. Il faut le dégager, Tarquet. Oui, Sahib, oui. Vite, vite. Là, là, même du Sahib à barbe. Facile, tire. Allons-y. Pas de mal. Eh ben, capitaine, attends. Lève-toi, place. Il a bu mon whisky. Votre whisky? Oui. Vous allez, redescendons vers les porteurs. Nous, vous nous raconterez ça en route. Allons-y. Eh bien, voilà. Je marchais. Haddock raconte son aventure à Tintin qui ne peut s'empêcher de sourire. Décidément, le pauvre capitaine n'a pas de chance. Ce genre d'histoire n'arrive qu'à lui. Mais au cours de la descente, les trois hommes ont une nouvelle surprise. En effet, tout à coup, Tarquet s'arrête et... Oh ! Porteur parti ! Mon Dieu ! Et ils nous ont laissé leur baluchon. Encore heureux ? Ohé ! Ohé ! Hé ! Bande d'emplâtre ! Revenez ! Oh, vous, le Yéti là-haut, je ne vous parle pas. C'est l'écho, capitaine, l'écho. Oh, écho, mais on ne lui demande rien, celui-là. Départ colis, ça grave, Sahib. Oui, il n'y a qu'une chose à faire. Voilà, écoutez-moi, Tarquet. Oui, Sahib. Et Tintin expose son idée. Chacun devra prendre une charge supplémentaire et on abandonnera ce qui n'est pas indispensable. Enfin, l'équipement étant réparti entre Tintin, Haddock et Tarquet, la petite expédition, amputée de la moitié de ses effectifs, reprend sa marche. Nouvelle nuit dans la montagne. Enfin, le lendemain, vers la fin de l'après-midi, nos amis débouchent sur un plateau, au milieu duquel gisent les débris de l'avion. Ils s'approchent, la gorge serrée. Là, un moteur... Plus loin, un morceau de la carlingue, des tôles tordues, ici, l'autre moteur, tout cela à demi enfoui dans la neige. Dois voir maintenant, plus personne vivant ici, Sahib. Ici, non. Mais qu'est-ce que vous avez encore dans l'idée? Oh, rien, capitaine. Mais je vais explorer un peu les environs. C'est ça. Pendant ce temps, nous allons inspecter ce qui reste de la carlingue. Nous camper ici cette nuit et demain redescendre. À tout de suite, capitaine. Tout de suite. Et pas d'imprudence, hein? Toi, pas t'éloigner, Sahib. Soyez tranquille, Tarquet. Je vais voir du côté de cette muraille rocheuse, c'est tout. Oui. Parce que si j'avais été à la place de Chang, et si j'étais sorti vivant de la catastrophe, c'est vers cette muraille que je me serais dirigé. Moi aussi! Tu comprends, c'est au pied de ce genre de falaise qu'on trouve des grottes, des creux, enfin des abris, quoi. Oui, mais si Chang a vraiment fait ça, pourquoi n'est-il pas sorti de son abri quand l'expédition de secours est arrivée, hein? Blessé, est-ce qu'il se serait perdu dans cette immensité de neige, de roches et de glace? Pauvre petite chambre. Oh, on dirait que le vent se lève, hein? Ah, l'entrée d'une grotte. Mes déductions étaient bonnes, Milou. Viens vite, vite! Allez, entrons, Milou. Doucement, hein, doucement. Ça Ça va, plus de neige. De la roche et de la terre. Allons-y. Oh là là là là, qui fait sombre là-dedans. Oh, n'aie pas peur, c'est une bourrasque. Ah. Mes yeux s'habituent un peu à l'obscurité. Voyons ça. Hé, Milou ! Quoi ? Là, sur cette pierre, on dirait des signes gravés. Des caractères chinois. Et... Milou. Milou, regarde plus bas ces grosses lettres. Regarde, mon chien, c'est incroyable. Chang ! C'est écrit Chang ! Oh, oh ! Non, je ne m'étais pas trompé. Chang était encore vivant après l'accident et il a vécu ici. Oh, Chang ! Mais qu'est-ce qu'il est devenu ? Où peut-il être maintenant ? Chang ! Chang ! Chang, où es-tu ? Eh bien... Oh. Oh, mon pauvre chien, j'ai crié trop fort et les vibrations ont fait tomber ces morceaux de glace, hein ? Là, c'est fini, mon toutou, c'est fini. Partir, hein ? Ah oui, tu as raison, il n'y a rien à faire ici pour l'instant. Nous reviendrons avec des lampes. Allez, viens ! Viens, nous allons rejoindre le capitaine et Tarquet. La nuit est venue et il neige à présent. C'est complet. Dépêchons-nous, mon chien. Et ne t'éloigne surtout pas, hein. Reste dans mes jambes. On n'y voit pas 10 mètres. Oh, quel blizzard. Par là, Milou. Par là. Les débris de l'avion, c'est par là. Courage, mon chien, courage. Ils doivent se demander où nous sommes passés. Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling le capitaine Haddock, Edmond Tamise Starquet et Milou. Prise de son Jean Jusfort, bruitage et effet sonore Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation René Villemay. La radiodiffusion Télévision Française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation René Villemay. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, 12e épisode. Guidés par le Sherpa Tarquet, nos amis Tintin, Haddock et Milou sont arrivés sur les lieux de l'accident d'aviation du Népal qui, selon les journaux, coûta la vie à tous les passagers. 18 hommes, femmes et enfants. On se souvient que parmi ceux-ci se trouvait le jeune chinois Chang, ami de Tintin, et que notre héros, influencé par un rêve, veut croire vivant. Sous leurs yeux donc, les débris de l'appareil à demi enfoui dans les neiges de l'Himalaya. Bien entendu, aucun survivant, ce qu'avait déjà révélé l'expédition de secours. Mais Tintin ne s'avoue pas vaincu, et seul, il explore les environs immédiats en compagnie de Milou. Au cours de cette exploration, il découvre une grotte et dans celle-ci, un rocher sur lequel le nom de Chang est tracé, dans notre écriture et en caractère chinois. Tintin reprend alors espoir et retourne vers l'appareil. Mais durant l'exploration de la grotte, la tempête d'or s'est levée et notre ami doit avancer maintenant au milieu d'une tourmente de neige extrêmement violente. Je suis aveuglé par la neige. Heureusement que nous n'avons que quelques centaines de mètres à faire. Tintin avance lentement, penché sur son piolet. La neige vole maintenant en flocons énormes qui transforment peu à peu le jeune homme en Père Noël. Luttant contre le blizzard, Tintin enfonce dans la neige jusqu'à mi-mollet et Milou, lui, est obligé de progresser par petits bonds. Oh, c'est trop stupide. J'aurais dû rester dans la grotte en attendant que ça cesse. Oh, je ne sais plus d'où je suis, moi, là. C'est froid. Oh, courage, Milou, courage, mon chien, courage. Voilà plus d'une heure que Tintin et Milou marchent. Sans s'en rendre compte, ils se sont éloignés du camp. Puis, ils ont tourné en rond. La neige tombe de plus en plus drue et la fatigue commence à se faire sentir. Ah, il faut les appeler, Milou. C'est le seul moyen. Avec ce vent. Inutile de s'égosiller, mon pauvre chien. Allez, il faut continuer, coûte que coûte. Coûte que coûte, Milou. Allez. Et la marche reprend. Tintin sent le froid le pénétrer peu à peu et l'espoir l'abandonner. Mais s'arrêter ici serait un suicide. Tintin sait cela, et il marche. Il marche. Il marche. Oh. Alors comment ça va finir? Je n'en peux plus. Attention, Milou! Une crevasse. Eh ben, dis donc. Il était temps. Il faudra se méfier maintenant. Je n'avais pas vu celle-là, tu sais. Qu'est-ce que tu as? Ah ben si tu as peur, marche derrière moi, Milou. Oh! Mon Milou, là-bas, cette silhouette. Regarde! Ah, pas de doute, c'est le capitaine. Oui, capitaine! Capitaine! Capitaine! Ouais. Ah, il m'entend pas, c'est affreux. Capitaine! Vite, Milou, il faut le rattraper, Milou! Capitaine! Ah! Cette crevasse, Tintin ne l'a pas vue. Seul, maintenant, dans la tempête, Milou hurle. Mais peu à peu, sa silhouette s'estompe. La neige le recouvre. Cependant, à quelques centaines de mètres de là, dans la carlingue de l'avion, on s'inquiète. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Il faut y aller. Comme toi voudras, Sahib. D'ailleurs, ça se calme un peu. Chut. Toi, écoutez. Yeti. Encore celui-là. On lui conseille de ne pas s'approcher trop près à cette espèce de bois sans soif. Écoute, Sahib. Mais ce n'est pas le Yeti, ça. Ça, Yeti, Sahib. Mais moi, je vous dis non. J'ai déjà entendu cette voix-là quelque part. Vite, allons-y. Les piolets, les cordes. Voilà. En route, Tarké. Oui, Sahib. Tiens, la neige s'est arrêtée. Milou. C'est Milou qui hurle à la mort. Il est arrivé malheur à Tintin. Par là, Sahib, par là. Toi, marche dans mes pas. Entendu. Mais mille sabords, pourvu qu'il ne soit rien arrivé au fiston. Guidés par la voix de Milou, les deux hommes arrivent au bord de la crevasse, dans laquelle Tintin a disparu. Il était temps, car à peine Haddock a-t-il dégagé le courageux Milou, que celui-ci exténué perd connaissance. Il a fait son devoir en appelant. Maintenant, il ne peut plus rien. C'est aux autres de continuer. Tintin! Tintin! Répondez! Où êtes-vous? Lui, tombé dans le trou. Ah, il faut le tirer de là, Tarké. Moi, descendre avec corde. Toi, me retenir. Facile, tu vas voir. Pourvu qu'il ne lui soit pas arrivé malheur. Là. Piolet à plat au bord crevasse. autre piolet planté plus haut. Corde passera sur piolet à plat et tournera autour piolet enfoncé dans neige. Ouais. Là, toi retenir et laisser glisser corde petit bout à petit bout. Compris, Tarqué. Allez-y, je suis prêt. Toi bien tenir surtout. Oh, soyez tranquille. Toi lâcher corde un peu. Hein? Là, là. Encore. Encore. Alors? Rien, Saïd. Descends encore. Ouais, capitaine. Bon, fichez-moi la paix, vous. Vous voyez bien que je suis occupé. Capitaine. Mais qui apparaît? Oh, tonnerre. C'est Tintin. Ouah! Saïd. Attention, capitaine, ne lâchez pas la corde. La corde. Oh, mille sabords. Ouh, oula, ouh, oula, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. Oh, dites donc. Oh. La joie que vous avez à me revoir a failli faire une victime. Là maintenant, ensemble, attention, allez. Tarqué est remonté de la crevasse, puis les trois hommes reprennent le chemin du camp. Tout en réchauffant Milou dans ses bras, Tintin raconte à ses compagnons de voyage ce qui lui est arrivé. Après avoir tourné en rond pendant 2 heures, je suis tombé dans un trou et j'ai perdu connaissance. Et quand je suis revenu à moi, j'ai suivi la crevasse qui remontait en pente douce et j'ai réussi à sortir. C'est alors que je vous ai vu, capitaine. Vous avez levé les bras au ciel et puis... Passons, bon. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous soyez passé si près de moi sans m'entendre. Que... Si près... Qu'est-ce que vous dites? Mais oui, en pleine tempête. Vous êtes passé à, je ne sais pas, une cinquantaine de mètres de moi et je vous ai appelé en hurlant. Il y avait du blizzard, mais tout de même... Mais enfin, fiston, moi je n'ai pas quitté les débris de la carlingue. Alors c'était vous, Tarqué? Moi? Non, Saïb. Impossible. Tarqué restait tout le temps avec le Saïb à barbe. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas fou. J'ai bien vu une silhouette au milieu des tourbillons de neige, enfin. Et si ce n'était pas vous, capitaine, ni vous, Tarqué? Ah, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais alors, cette silhouette, c'était... Oh, oh, oh, celui-là! Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Edmond Tamise, Tarqué, avec Milou. Quoi? Prise de son, Jean-Jus Forgue. Bruitage et effet sonore, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial. Assistante, Michel Pietri. Réalisation, René Villemet. La radiodiffusion Télévision Française présente Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation René Villemet. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, 13e épisode. Tintin, le capitaine Haddock, le Sherpa Tarqué et Milou sont isolés sur un haut plateau de l'Himalaya où ils ont retrouvé les débris de l'avion dans lequel avait pris place le jeune Chang, ami de Tintin. Mais le jeune reporter ne veut pas croire à la mort de son compagnon d'autrefois et il explore sans relâche les environs immédiats du lieu de l'accident. C'est ainsi que dans une grotte, il découvre un rocher sur lequel est tracé le nom de Chang. En revenant vers le camp, il est pris dans une violente tempête de neige et s'égare après avoir appelé en vain une silhouette aperçue au milieu des tourbillons et qu'il croit être celle du capitaine Haddock. Enfin, la tempête se calme, et notre ami est retrouvé par ses deux compagnons, venus à sa recherche. Il leur raconte alors son exploration et la découverte qu'il a faite. Puis s'étonne qu'Haddock, passant si près de lui pendant la tourmente, n'ait pas entendu ses appels. Stupeur du Sherpa et du vieux marin, qui affirment être restés tous deux à l'abri dans les débris de l'avion. Mais enfin, vous êtes bien passé à une cinquantaine de mètres. Mais ce n'était pas moi, tonnerre de Brest, puisque je vous le dis. Alors, je ne comprends plus, capitaine. Non, je ne comprends plus. Toi, vu Yeti, Saïb. Hein? Oh, encore ce grand escogriffe. Sûr. Nous vite redescendre vallée. Grand danger sur nous. Et puis, plus personne vivant ici. Eh bien, justement si, Tarqué. Qu'est-ce que vous dites? J'ai découvert dans une grotte une pierre sur laquelle le nom de Chang était gravé. Mais alors? Laissez-moi finir, capitaine. Le nom de Chang, en caractère chinois, mais aussi dans notre écriture. Je n'ai rien trouvé d'autre, faute de lumière, mais c'est une preuve. Le nom de Chang? Mais oui! Ça alors, Mais c'est vous qui aviez raison. Mais dans ce cas, pas une minute à perdre. Mais certainement, capitaine. Il faut retourner ensemble à la grotte pour l'explorer méthodiquement. Allons-y. Oh, mon vieux chien. Tu te réveilles. Pauvre animal, il a eu 6 francs en appelant au secours dans cette tempête. Ah, il a retrouvé toute sa chaleur dans mes bras. Hmm? Alors, vieux frère, ça va mieux? Allez, cours, Milou. Dégontis-toi les pattes maintenant. Nous retournons à la grotte. Allez, va, Milou. Va, cours. Cours, mon chien, cours. Et nos quatre amis se dirigent vers la falaise rocheuse au pied de laquelle Tintin a découvert la fameuse grotte. Mais hélas, la neige en s'accumulant a complètement transformé le paysage et de grotte, point. Ils vont, viennent, tournent, sondent la neige avec leurs piolets, sans résultat. Et après 2 heures de recherche, ils en sont au même point. Oh. Edith, si on se reposait un peu, je n'en peux plus, moi. Plus tard, capitaine, cherchons, il faut absolument chercher. Ouais, eh bien, vous ferez comme vous voudrez, moi je me repose, là. Le meilleur moyen de se reposer ici, c'est encore de s'asseoir dans la neige. Ouf. Oh! Au secours! Où suis-je? Dans ce trou! Un trou? C'est votre grotte, mon cher! Quand je me mets à chercher, moi, je trouve! Bravo! Allons-y, Tarquin. Oui, c'est... Allez, suis-nous, Milou, suis-nous. Voilà! Voilà! Voilà la pierre en question, regardez! Chang, pas de doute. Mais si Chang vivant, où lui être maintenant? Ah, ça, je voudrais bien le savoir, Tarquin. Moi, te dire. Ton ami venu ici, après accident d'avion. Mais lui, surpris par Yeti, tué et mangé. Non, Tarquin, ne me dites pas ça, ce serait vraiment trop affreux. Et puis, il y aurait des traces de ce drame. Oh, regardez, Milou. Oh non, ce malheur, vite hein? Donne, mon chien, donne. Oh non, non, non, c'est un os d'animal, un chamois ou quelque chose comme ça. Mais Yeti peut-être mangé Chang ailleurs. Comment retrouver ton ami sous la neige? Oui, oui, Tarquin, je sais. Je sais. Ouais. Eh ben, en tout cas, moi, j'en ai plein le doute de votre Yeti. Qu'il se montre une bonne fois, cette espèce de loup-garou de mille tonnerres de Brest. Nous, retournez, Sahib. Plus rien à faire ici. Ami Chang mort. Toi, me croire. Oui, Tarquin, vous avez raison, oui. Pauvre petite Chang. Comme il a dû souffrir. Allons, fiston, venez. Nous rentrons au camp. C'est ça, capitaine, c'est ça. Je vous suis. Désespérés, nos amis regagnent le camp. Le lendemain matin de bonne heure, leur décision prise, ils s'engagent sur le chemin du retour. Avant de quitter le plateau enneigé où s'est écrasé l'avion de Chang, Tintin se retourne une dernière fois. Ses yeux sont remplis de larmes et des sanglots montent de sa gorge. Adieu, mon petit Chang. Nous avons fait ce que nous avons pu. Adieu. Alors, fiston, vous venez oui ou non? Mais... Tarquin! Capitaine! Stop! Arrêtez! Revenez! Revenez! Regardez! Regardez cette tache jaune là-haut sur la paroi! Mais qu'est-ce qu'il y a encore, tonnerre de Brest? Mes jumelles, capitaine! Tache jaune, hein? Passez-moi mes jumelles, elles sont dans mon sac, la poche à droite! Vite, vite! Oh, sacré couronne! Ah, ça y est, tenez! Merci! Voyons ça! Oui, pas de doute, c'est un chiffon jaune! Non, ce n'est pas un chiffon! C'est une écharpe! Tenez, Tarquin, regardez! Oui, Saïb. Plus à gauche, Tarquin, plus à gauche. Oui. Oh oui, tu as raison, Saïb. Accroché à ce rocher. Où ça, une écharpe? Passez-moi les jumelles. Tenez, Tarquin, c'est la preuve que Chang est vivant. Il nous a indiqué la route et il faut le retrouver. Oh, moi, je ne vois rien. Pas plus d'écharpe que sur ma main. Mais si, capitaine, plus haut, plus haut. Tenez. Alors, Tarquin, qu'en pensez-vous? Non, Saïb. Moi, pas continuer. Rien. Moi, promis conduire vous jusqu'à Avion. Moi, tenu parole. Je sais, Tarké, je sais. Maintenant, moi, redescendre. Pour moi, Chang mort. Mais l'écharpe, Tarké, l'écharpe. C'est pas une preuve, Saïd, pas une preuve. Seul bon montagnard pouvoir escalader parois comme celle-là. Mais où diable ont-ils vu une écharpe, ces oeuvres-là? Tarké, Tarké, cette écharpe me redonne espoir à moi. Parois trop difficile. Il faut chaussures spéciales, beaucoup cordes, tout équipement. Mais enfin, l'écharpe, comment y est arrivée là-haut? Elle, comment? Dites-le-moi! On va pas savoir, Saïd. Peut-être vent, tempête, emporté là-haut. Ou encore, Yeti. Le Yeti? Oh, celui-là, je le retiens. Oui, peut-être Yeti. Mais pas Chang, pas Chang. Chang mort maintenant, ça. Oh, Tarké, je ne peux pas y croire. Non, c'est impossible, ce serait vraiment trop injuste. Ça y est, je l'ai vu. Alors, capitaine, c'est bien une écharpe, n'est-ce pas? Oh non, non, non, mais c'est incroyable. Là-haut, regardez. Mais quoi, capitaine? Je viens de le voir, c'était lui. Mais qui, lui? Mais lui, l'affreux, l'abominable, l'attireur. Qu'est-ce que vous dites? Mais pas de doute, Tintin, je suis sûr de l'avoir vu. Saïd, à barbe, hallucination. Nous, redescendre, vite, vite, Saïd, vite. Quoi? Pas question. Je reste. Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacques Ling, le capitaine Haddock, Edmond Tamise, Tarké, avec Milou. Ah, ouh, là, là. Prise de son, Jean Jusfort. Bruitage et effet sonore, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial. Assistante, Michel Pietri. Réalisation, René Villemet. Des regrets, Nicole. Des regrets exprimés par Jacques de Montpellier. Des regrets, mais pourquoi? Eh bien, ce jeune et fidèle auditeur déplore de ne pas habiter Paris, car, dit-il, j'aurai le plaisir de voir Tintin et de donner un os à Milou. Oh, c'est très gentil. Mais puisque Jacques peut écouter le feuilleton et lire les livres, son ami Tintin est toujours près de lui. C'est vrai. C'est de cette façon qu'il doit se consoler. Oui. Une grosse bise de la part de notre Tintin à Claude Sternis, qui nous envoie un petit mot très gentil. Une lettre du jeune Patrick, de Brest, qui orne sa signature d'une très jolie petite fleur. Oui, et il nous dit aussi que 5 personnes chez lui écoutent attentivement le feuilleton des aventures de Tintin. Grand-mère, 80 ans, grand-père, 85 ans, papa, 50, maman, 40, et le signataire, qui a 12 ans. Eh bien, nous adressons à tous ces fidèles auditeurs les respects et amitiés de Tintin, et les nôtres, bien entendu. Le jeune Bernard, lui, répond à l'une de nos demandes et avoue qu'il serait très heureux de posséder la photo de Milou courant dans les montagnes du Tibet. Est-ce que vous ne voudriez pas, jeunes amis de Tintin, avoir un document original représentant Tintin et Milou dans un studio de la RTF, en train d'enregistrer l'un des épisodes de votre feuilleton? Ce serait peut-être une bonne idée. Je crois que c'est une bonne idée. Nous en parlerons. Remerciements en attendant aux parents de ce jeune Bernard, Danière. Et à Bernard Châtreau de Paris, à qui Tintin serre amicalement la main. Denis Fontaine, lui, a l'intention de prendre la place du Père Noël, écoutez bien Nicole, et d'offrir au capitaine Haddock un litre ou un flacon de whisky, à Milou un os, au Dupont-Dupont une paire de cannes et à Tournesol un sonnette. C'est très gentil. Ce n'est pas fini, puisqu'il promet à Alcazar une douzaine de couteaux inoxydables et à Tintin un stock de papier pour qu'il lui écrive toutes ses aventures. J'ai l'impression que ça va être ruineux pour notre jeune Denis. Oui, il devra certainement prendre conseil de ses parents. Mais l'intention reste et tout le monde le remercie très vivement. Continuez donc tous à nous écrire, nous répondrons soit au micro, soit directement. Mais surtout, ne nous envoyez jamais de timbre. Nous ne savons qu'en faire. Avant de terminer, rappelons à tous nos auditeurs d'outre-mer qu'ils ont jusqu'au 20 novembre prochain pour nous envoyer leur portrait de l'abominable homme des neiges. Le concours pour la France métropolitaine est en clos depuis le 20 octobre. Alors bonne chance à tous et merci. À jeudi prochain. Au revoir. Au revoir. Ces épisodes 10, 11, 12 et 13 ont été diffusés pour la première fois sur France 2 régionale les 18, 20, 22 et 25 octobre 1960. Un document, INA. à réécouter en ligne ou à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.